Famille de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les bas-fonds de Paris, ceux dont on ne se relève jamais, sinon en chanson, les voici grâce aux épisodes 2 et 3 du feuilleton, tirés de l'œuvre d'Aristide Bruand, diffusé pour la première fois sur France Culture les 1er et 2 septembre 1981. À la vie sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. L'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, deuxième épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Daniel Vol, Pascal Mazzotti, Douchka, Roger Mollien, Monique Thierry, Edith Loria, Vera Feder, René Renaud. Réalisation Claude Roland-Manuel. Les prêtres réveillonnent, il est né le divin enfant. Marchez, marchez, marchez les gueux, suivez les mages qui s'en vont les yeux dans le ciel, à Jésus porter leurs hommages. Noël. Il mourra sur la croix pour vous faire asseoir à sa table avec les princes et les rois. Marchez vers les tables, marchez avec eux, marchez les gueux. Parmi ces gueux, une jeune fille enceinte, Valentine Clément, abandonnée par son séducteur, le comte de Charmeuse. Maintenant seul, dans sa chambre de l'hôtel des Anges, taudis sordide à Clignancourt. Marié. Roger marié. Que vais-je devenir si je perds mon amour? J'espérais tant. Pitié, où êtes-vous, mon Dieu? N'êtes-vous donc pas le Dieu des honnêtes gens? Que vous ai-je fait? Qu'est-elle devenue l'amoureuse voix de mon enfance? Parce que j'ai péché, me réservez-vous l'abîme glauque des bas-fonds dont on ne se relève jamais? C'est donc la fin de tout. Voilà ce qu'était l'amour. La tête pleine de chansons et le cœur plein de soleil. Et s'enfoncer dans les ténèbres. Dans la misère, la boue et l'ordure. Me vendre? Oh, jamais! Jamais! J'en ai en tiré plutôt mon corps que de le souiller. Oui, oui, plutôt la mort. La sainte délivrance. Oui, le salut. S'en aller, s'évader dans le néant. S'endormir pour toujours. Oh, comment n'y ai-je pas songé tout de suite? Il n'y a plus personne pour me pleurer. Il me reste 6 sous. Assez pour une asphyxie. 4 sous de charbon de bois, 1 sou pour les allumettes. Je laisserai même 1 sou d'héritage. Allons, allons. Il le faut, c'est trop souffrir. Mon pauvre cœur. Dieu n'est pas juste. Non, non, non. Vraiment, il n'est pas juste. Ah ! Ah ! Mon ventre ! Mon ventre ! Il me fait mal. Aïe ! Aïe ! L'enfant ! Non. Non, non. Je n'ai pas le droit. Je peux mourir. Mais lui, il peut survivre. Cela s'est déjà vu. Que fera-t-il tout seul? Qui s'en occupera? Oh, je n'ai pas le droit de le tuer, mon tout petit. Je dois vivre. Je vivrai pour toi, mon ange. Pour toi, mon doux trésor. Oui, oui, pour toi, je souffrirai pire que la mort, la honte. Oh, on n'a pas pitié de moi. À mon tour, je serai sans pitié. Au lieu de pleurer et de gémir, je vais aller rue du Parc Monceau. C'est juré. Pour toi, j'aurai tous les courages. Roger, malheur à toi. Au Parc Monceau, la demeure de Suzanne d'Amour était bien le palais d'une reine à la mode. Un enchantement des mille et une nuits, réalisé par la magie créatrice d'un jeune artiste d'avenir, Jean Robin. Le célèbre architecte Jean Robin ? Lui-même. Mais à cette époque, il était pauvre et inconnu. Revenant de Rome, un premier prix d'architecture en poche, il décrocha la commande mise en concours par le fils d'un manufacturier. Ce prodigue désirait construire un temple à sa déesse, Suzanne d'Amour, qui hypnotisait Paris jusqu'à la démence. Il mit Jean Robin en relation avec son banquier habituel, Bonnaire. Or, le fils du manufacturier éparpilla ses millions et se suicida bêtement. L'hôtel construit par Jean Robin devint, par un joli tour de passe-passe, plus ou moins légal, la propriété du banquier Bonnaire. Celui-ci eut du moins la générosité de ne point expulser l'infortuné Suzanne d'Amour de son paradis, et se borna à le lui louer à l'année pour la bagatelle de 150 000 francs. L'honnête Jean Robin ne comprit qu'une chose, il avait travaillé pour la gloire dont le trésorier est, hélas, le roi de Prusse. Quant au banquier Bonnaire, il acquit ainsi la réputation d'un homme très fort. Tant il est vrai qu'ici-bas, le succès arrange, explique, excuse et couronne tout, même le crime. Donc ce matin-là, jour de Noël, Suzanne d'Amour, enfin seule, entendait cuver son réveillon à sa guise. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il donc? Madame, il est 11h. 11h? Oh, mais qu'on foute la paix. On n'est pas des bœufs, ni des voitures à bras. Ces messieurs et des amis de madame se sont invités à déjeuner. Oh, qu'ils aillent se faire voir. Et tu me réveilles pour ça, Fanny. Il y a aussi la lingère, madame. Elle ne veut plus rien entendre comme credo. Oh, je l'ai assez vue, cette voleuse. Flanque-la dehors. Je suis vannée, moi, vannée. 80 000 balles pour des bas et des liquettes. Non, vraiment. Tu m'as pas regardée, celle-là. Mais qu'elle me traîne devant les tribunaux, ça me fera de la réclame. Monsieur Bonheur aussi est là, madame. Tiens, le proprio, c'est pas possible, un jour de Noël. Oh, bah dis donc. Il ferait mieux de rester en famille, celui-là, espèce de caïman. Je te jure. Fanny m'ont déshabillée. Oui, madame. Ah, s'il pouvait claquer d'une bonne attaque d'apoplexie, celui-là, dis donc, quel débarras. Tu te rends compte qu'avec janvier, ça fait deux termes à raquer. Deux termes. Ah, qu'il monte, ce vieux saligo. Mais Monsieur Bonheur préfère attendre dans le salon vert, madame. Tiens donc, il se garde à carreau. Attends un peu, vieux filou. Fanny. Oui, madame. Prends le chèque. Là, préparé. Ah, oui. Sur ma coiffeuse. Mets-le dans la poche de mon déshabillé. Je suis pas à sa merci, tu sais. Tu vas voir ça. Je vais le faire poser, moi. Bon, je vais prendre mon bain au lait de Vénus et ma douche à l'essence de rose. Fanny, envoie-moi les masseuses à la salle d'hydrothérapie, tu veux? Oui, madame. Qu'il y reste au salon vert, ce gros cochon. Et qu'il y reverdisse. Pareil qu'au Moulin Rouge, un soir, une grande fille plate comme un rasoir cherchait ce qu'on cherche dans cette boîte-là. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Elle aperçut un vieux pas beau, de loin on aurait dit du veau, ça n'empêche pas qu'elle l'aborda. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Quand le monsieur vit ses appâts, on ne sait pas ce qu'il en pensa, mais il paraît qu'il s'écria « Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ». La suite, je la connais pas bien, mais je connais un pharmacien qui prétend que le vieux en crèvera. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Vous voilà, enfin, plus d'une heure, ce n'est pas trop tôt. Madame, monsieur l'ours, je pouvais pas descendre toute nue. Je vous aurais fait peur. Entends-tu, vous moquez de moi. Si vous ne me payez pas aujourd'hui, demain, l'huissier, on vendra tout. On vous flanquera à la porte. C'est clair et net. Oh, détrôner la reine de Paris, ben vous n'avez pas la trouille, mon colon. Des reines de ton acabit, on en pêche à 100 sous dans tous les bouches de France. Ça prouve que j'en suis sortie. Ce qui n'est peut-être pas votre cas. Hein? Allez, à bouler ma quittance d'octobre. Celle de janvier, ma petite. Tu la veux? Certainement. Ça m'évitera votre visite. 75 000 francs, et tu les as? Ah, voici un chèque sur la Banque de France. Eps! Doucement. Donnant, mon petit père. Encore faut-il que je m'assure de la signature. Oh, elle est bonne, elle est bonne. Elle est même bien bonne. Jugez plutôt. Quoi? C'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Ça vaut la coupe, hein? Un chèque signé Roger de Charmeuse, votre gendre. On m'appelle Monsieur Bonheur. Adieu. On va rigoler pour votre pognon. Garce, tu veux la guerre, tu l'auras. Joyeux Noël, mes amis. On viendra quel proprio. Eh bien, Fanny, qu'est-ce qu'il y a encore? Cette jeune femme dans l'antichambre veut parler à madame. Oui, madame, au sujet de monsieur le comte de Charmeuse. Oh, la donzelle du cabaret à Bruant. Je vous reconnais, je vois ce que c'est. Une scène de jalousie? Manquait plus que ça. Allez trouver ça légitime, mon petit. Moi, je ne suis pas sa marida, seulement sa main gauche. Tournez à droite, mon petit cœur d'amour. Rocher, marié? Avec qui? Mais d'où sortez-vous, mon petit? Le gentilhomme décavé épousant la demoiselle au million. Quel sacré pote. Le gros bouffi qui vient de sortir. C'est Papa Bonheur. Le daron de la noble comtesse de Charmeuse. Le banquier à la grosse galette. Le tombeur de la bourse. Mon proprio, s'il vous plaît. Savez-vous pourquoi il est à Cran et furibard? Je viens de lui payer son loyer avec un chèque signé Roger de Charmeuse, son gendre. Autrement dit, avec son propre pognon. Oui, Marida depuis 6 mois avec la petite Bonheur. Ben, elle va se trouver mal. Mais c'est une manie, Fanny! Fanny! Mais enfin, aide-moi à la transporter dans le petit salon à côté, voyons. Oui, combien qu'elle se trouve mal. Oh là là, manquait plus que ça. Allez, allongez-vous là, mon petit. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Oh, ma pauvre chatte, racontez-moi votre histoire, allez. Je crois la deviner, avoir votre état, l'éternel roman. Pardonnez-moi, madame. Ouf. En vous voyant quitter le cabaret cette nuit avec Roger, j'ai pensé, j'ai cru que... Ah, que j'étais sa maîtresse en pied et en titre? Ma foi, non. Il me paie ma blanchisseuse. Et encore. Je me suis trompée. Je venais vous supplier de me rendre le père de l'innocente créature qui va naître. Mon amant, mon fiancé. Ah, parce qu'il vous considérait comme sa fiancée? Oh, mon petit. Excusez mes larmes, madame, mais je revois tout mon cher roman d'amour. Fille d'officier et orpheline à 15 ans, j'ai été recueillie par la châtelaine de Courtenay, mademoiselle Geneviève de la Roche-Cléry, qui ne vit que pour son neveu, le comte Roger de Charmeuse. Devenue sa demoiselle de compagnie, j'ai grandi auprès d'elle, jusqu'au jour fatal où Roger, en villégiature au château de Courtenay, m'a courtissée. J'ai cru à la sincérité de son amour, à ses promesses de me donner son nom. Brusquement, Roger disparut, sans plus envoyer de ses nouvelles, ni à moi, ni même à sa tante. Je m'aperçus que j'étais enceinte. Il ne répondit pas à mes lettres, expédia une adresse qui se révéla fausse par la suite. Je ne pouvais plus rester à Courtenay. Je ne parvenais pas à croire à sa trahison. Je partis pour Paris. Vous le trouvez dans cette ville immense dont je n'avais aucune idée. Pas d'argent. Travailler. Où? Ma grossesse me dénonçait. Mon ventre était un scandale. Il habite rue Saint-Dominique, de l'autre côté de la Seine, rive gauche. C'est toujours Paris, figurez-vous. Je vous conseillerais de vous rendre d'abord à l'hôpital. Je me suis présentée à la maternité des indigents. On ne vous y accepte que dans les douleurs. Oh, les salauds, les vaches, les cochons d'hommes. Folle, oh, folle que j'étais de croire qu'un comte de Charmeuse pouvait épouser la pauvre Valentine Clément. Oh, Dieu, madame. Mais non, mais attendez, attendez. Fanny, Fanny, rattrape-la. Oh, petite. Pas comme ça dans le froid. Oh, et puis zut, après nous la fin du monde. Sur le trottoir, Valentine s'enfuyait, avec dans ses yeux affolés l'étincelante vision des splendeurs entrevues au parc Monceau. Dans les oreilles, le tintement des cris joyeux de la fête. Et dominant tout, le mot de Suzanne d'amour qui lui taraudait la cervelle. Oh, les salauds, les vaches, les cochons d'hommes. Ils sont des tines, ils sont des tas, des fils de race et de rasta qui descendent des vieux tableaux. Allez, salauds. Ils sont presque tous décorés, ils ont des bonnes balles de curé. On leur y va pas les calots, ah les salauds. Ils sont presque tous mal bâtis, ils ont les abattis trop petits. Et des bidons comme des ballots, ah les salauds. Rapport que tous c'est dégoûtant, ils passent leur vie, ils passent leur temps. À son pifret des bons boulots. Oh les salauds! Eh ben c'est tous ces cochons-là qui font des magnes et du fla-fla. Et c'est nous qui s'appellent sous l'eau. Oh les salauds! Oh, Ce soir-là, rue Saint-Dominique, un mouvement inhabituel animait l'hôtel particulier du comte de Charmeuse. Des ordres brefs, transmis à voix basse, des allées et venues inquiètes. Dans son fumoir tendu de cuir de cordeau, Roger de Charmeuse se promenait, lent et rêveur, les mains derrière le dos, comme étranger à tout ce qui se passait, lui, le maître de la maison. C'est une fille, monsieur le comte. Pas trop déçu. M'est-il permis de rendre visite à la comtesse? Monsieur le comte plaisante. Tout de même, ne fatiguez pas madame la comtesse. Et les choses se sont-elles bien passées? Oui, le docteur est très satisfait. Malgré les réels dangers d'un accouchement prématuré. Un vrai petit ange tombé du ciel. Julie, veuillez nous laisser seuls. Bien, monsieur le comte. Madame, je ne prétends point vous imposer ma présence si elle vous est trop pénible en un pareil moment. Autant finir au plus tôt. Vous me rendrez cette justice que j'ai tenu mes engagements. J'ai vécu près de vous comme un étranger, j'ai touché votre main pour la première et la dernière fois, il y a 6 mois, à l'église. Le sourire narquois de la sage-femme traduit assez que nous aurions pris des acomptes sur le mariage. Que quelqu'un d'autre se permette ce sourire et nous verrons si je suis toujours la première épée de Paris. Ceci précisé, cet enfant, qu'allez-vous en faire? Rosémée, ma fille. Oui, je comprends votre souffrance de vous en séparer. Mais pouvez-vous m'infliger sa présence sous mon toit? Notre mariage a été une affaire. J'ai été sauvé de la ruine, c'est vrai, mais de mon côté, je vous ai sauvé de... Du déshonneur, dites le mot. Je ne le sais que trop. Disons, du désagrément qu'eût entraîné pour vous la constatation officielle de votre état. Mon Dieu, je ne veux point me poser en mari féroce et ridicule. Vous verrez cet enfant tant qu'il vous plaira, chez sa nourrice. Mais pas ici. Je ne pensais pas... Comment pouvez-vous être aussi cruel? Il le faut, absolument. Ce sera pour demain matin, n'est-ce pas? Adieu, madame. Nous redevenons ce que nous serons toujours. Deux époux, heureux et modèles devant le monde. Deux étrangers... dans notre propre maison. Que se passe-t-il? Ces cris dans la rue. La malheureuse est belle partie et laissez-la entrer dans votre place. Je parle à l'hôpital chez moi, bon sang. Si elle crée, moi je te colle. Il n'y a pas de bon sang. Accouchez ici. Mais tu vas voir si c'est pour l'hôpital. Elle, encore elle. Valentine. Monsieur le comte. Madame! Je descends chez le concierge. Madame, une pauvre femme a été prise des douleurs de l'enfantement juste comme elle passait devant l'hôtel. Oh, je veux qu'on lui porte secours. J'y pense. Et la layette, Julie. Ouvrez ce tiroir, prenez tout ce qu'il faut. Vite, dépêchez-vous. Avez-vous assez de couches? Et une brassière bien chaude. Monsieur le comte, cette femme a ameuté tout le quartier. Préparez la pièce voisine pour cette malheureuse. Toi, te voilà enfin. Tais-toi pour ton enfant, tais-toi. L'ouvrage ne manque pas ce soir, Mazette. La fatalité s'en mêle. Cette Valentine, aimée dans une heure de désœuvrement, une amourette oubliée fait irruption dans ma vie en me menaçant de cette paternité inavouée. D'un signe, elle m'a promis de se taire. Sait-on jamais qu'un mot lui échappe pendant l'accouchement, je deviens la risée de mes domestiques. et plus tard les salons et de mon cercle. Sans oublier les complications avec Bonheur et sa fille. Deux accouchements dans la même maison, celui de ma femme et de ma maîtresse. Il y a de quoi sombrer dans le ridicule, le scandale. Encore une fille, monsieur le comte. Encore. Façon de causer. Pour celle-là, vous n'y êtes pour rien. Pas d'Annie Croche. Bien qu'elle ait eu, comme on dit, les sangs retournés. Mais quelle chance d'avoir frappé juste à la porte de monsieur le comte. Tout le monde loue votre bonté et votre générosité. À part Baptiste. Oui, le concierge, il estime que monsieur a été bien poire et que sa loge a été déshonorée. Mais qui est cette personne? A-t-elle dit quelque chose? Non, rien, monsieur le comte. Elle fait que pleurer et embrasser son enfant avec des sanglots qui vous fendent le cœur. Merci, madame. Allez vous reposer. Quelqu'un veillera à votre place. Une fille. Oui, c'est ce qu'il faut. Ça arrangera tout. Valentine. Oh, vous. Oh, vous. Ne parle pas. Je te comprends. Je mérite ta haine et ton mépris. Mais écoute-moi. J'allais être ruiné, déshonoré, affiché dans tous les cercles de Paris, sur le point de me brûler la cervelle. Un banquier, Bonheur, m'a offert contre mon nom la fortune qui me sauvait à la fois la vie et l'honneur. J'ai épousé sa fille. Mais je te jure, c'est toi seule que j'aimais, que j'aime encore. L'autre n'est ma femme que de nom. Laisse-moi tout te dire, à toi qui m'aimes, j'en suis sûr. À toi, la seule qui puisse me consoler. Oui. J'ai épousé une millionnaire, une fille séduite. Me comprends-tu? Oui. Et ce soir même, celle à qui j'ai donné une couronne comtale en échange de son argent, a mis au monde, comme toi, une fille. Et cette fille n'est pas la mienne. Oui, je t'aime encore. Et toi aussi, tu m'aimes. Oh, comment ai-je pu douter de toi? Mais notre enfant, Roger, je consentirais à être malheureuse si j'étais sûre qu'elle n'en souffrira pas. Mais elle n'en sera pas moins bâtarde. La fille sans nom. Tu te trompes. Ta fille, notre fille, aura un nom. Lequel, mon Dieu? Le mien. De grands boulevards ou de rues, d'hôtels borgnes ou d'hôtels privés, gigolettes, cocottes, grues, au linge plus ou moins lavé, gonzesses de luxe, de choix ou du régiment des pierreuses, toutes, elles portent leur croix, nos amoureuses. Vagues veulent, endolories, n'avivant plus que des désirs malsains, l'âme et la chair meurtrie par la fête, par les plaisirs, ivres de noces et de rancœur, lors des heures trop douloureuses, parfois, elles s'ouvrent le cœur, nos amoureuses. Oui, l'homme à la Madeleine, oui, Jésus, mort sur ta croix, ohé Jésus, dont l'âme est pleine d'amour. Ô fils du roi des rois, fils du tout-puissant, fils de Dieu, qui fait les vierges bienheureuses, laisse un peu coucher dans ton pieu nos amoureuses. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, deuxième épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Daniel Vol, Suzanne Damour, Pascal Mazzotti, Bonheur, Douchka, Valentine Clément, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Monique Thierry, Adrienne, Edith Loria, Fanny, Vera Feder, la sage-femme, René Renaud, le journaliste. Avec Marianne Épin, Julie, Ginette Franck, la concierge, et Patrick Gonda et Alexandre Ginoyer. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Sola et Raymond Anna. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 1er septembre 1981. Dès le lendemain, nous pouvions entendre la suite. Pour notre part, n'attendons pas. Cette suite, la voici. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte, Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stein. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, troisième épisode. Avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et Monique Thierry, Dominique Paturel, Roger Mollien, Pascal Mazzotti, Marianne Épin, Pierre Constant, Douchka, René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. La femme, pourtant dans le siècle où nous vivons, on a chanté sur tous les tons, la femme, mais c'est un sujet bien tentant, on amuse toujours en chantant, la femme, l'homme a beau dire qu'il la connaît, qu'est-ce qui dominera toujours, c'est la femme. La femme est utile ici-bas. Quel est celui de nous qui n'a pas une femme? Le vieux Diogène mentait, car au lieu d'un homme, il cherchait une femme. Vieux ou jeune, petit ou grand, chaque homme ici-bas va cherchant une femme. Quand notre père Adam s'embêtait dans le paradis, qu'est-ce qu'il voulait? Une femme. Tous les poètes ont chanté, tous les auteurs ont commenté, la femme. Les uns disent il faut aimer, les autres disent il faut tuer, la femme. Moi qui n'ai pas le cœur trop dur, voilà mon opinion sur la femme. Elle a beau nous embarrasser, nous ne pourrons jamais nous passer d'une femme. Homme dans les jours de malheur, qui te fait rêver au bonheur, la femme. Aussi crois-moi dans ses excès, plein et ne méprise jamais, la femme. Dans ses fautes, dans ses amours, malgré tout, respecte toujours, la femme. Si ton épouse te trompait, souviens-toi que ta mère était une femme. J'ai péché, me réservez-vous l'abîme glauque des bas-fonds dont on ne se relève jamais? C'est donc la fin de tout. Valentine Clément, abandonnée enceinte par le comte Roger de Charmeuse, va relancer son amant en son hôtel particulier de la rue Saint-Dominique. Prise subitement des douleurs de l'enfantement, Valentine accouche d'une fille dans la loge du concierge, tandis qu'à l'étage supérieur, la comtesse donne, elle aussi, le jour à une fille. Valentine, je te le jure, ta fille, notre fille, portera mon nom. Elle s'appellera Geneviève de Charmeuse. Si tu le veux, tu ne la quitteras jamais. Tu pourras l'élever ici, dans cette maison, près de moi. La fille de la comtesse de Charmeuse doit partir demain matin en nourrice. Cet enfant, Rose aimée, veux-tu que je la porte ici? Et veux-tu qu'à sa place, je mette notre fille dans le berceau où dort celle qui n'est pas de mon sang? Horreur! Quelle infamie me proposez-vous là? La substitution accomplie, demain matin, j'offrirai à la comtesse de garder sa fille, c'est-à-dire la nôtre. Et tu en seras la nourrice désignée. Nourrice de ta propre fille. Tandis que l'autre disparaîtra, enfin, sera envoyée à la campagne. Quelle plus grande preuve d'amour puis-je te donner? Impossible! Ma fille heureuse au détriment de l'autre? La malheureuse. Votre femme s'en apercevra. Mais comment? Mais les deux nouveau-nés portent les mêmes linges. Un bébé est un bébé. Ça se ressemble. Et la voix du sang? Ce n'est pas un vain mot. Moi, je reconnaîtrai déjà ma fille entre mille. Veux-tu retourner à la rue avec elle? Pense à son avenir. Et toi, tu peux encore être heureuse. 3 heures du matin. Plus une seconde à perdre. Il faut agir tout de suite. Embrasse ta fille. Tu la reverras demain. Désormais, Valentine est ma complice. Elle ne peut plus parler sans se dénoncer et se condamner. Pourvu que le bébé ne se mette pas à crier ou à pleurer. Si on me rencontrait, quelles explications pourrais-je fournir? Et si ma femme veillait? La respiration d'Adrienne est régulière. Elle dort. Le berceau est assez éloigné du grand lit. Et la lueur de la veilleuse suffisante. Doucement. Là. Parfait. Côte à côte avec leur toilette identique, on dirait deux jumelles. Bien. Bonne nuit, ma fille. Et le lendemain matin, personne ne remarqua la substitution? Personne. Seule au premier abord, la sage-femme marque une légère surprise, vite réprimée. Comment aurait-elle pu se douter, soupçonner la vérité? Madame, elle est si mignonne, votre petite rose aimée. Voulez-vous que je vous la porte dans votre lit? Oh oui! Il vient chercher sa fille. Il est pressé. Cet enfant est sa honte vivante. Et moi? Oh, que se passe-t-il? Est-ce que je n'aime déjà plus cet ange que j'adorais si éperdument avant sa venue au monde? J'admets sans horreur qu'on va me l'arracher. Serais-je une mauvaise mère? Hélas! Il peut l'emporter, la frêle créature. Qui n'est assurée ni de la bienveillante protection du mari, ni de la tendresse de la femme, sa mère. Bonjour, ma chère. Avez-vous passé une bonne nuit? Vous venez prendre Rose aimée? Faites, monsieur. Oh, madame. Je n'ai pu dormir de la nuit. Je vous apporte les réflexions de mon insomnie. Trop heureux si je puis vous causer quelque joie. Mes propos vous étonnent? Hier, ce que je réclamais sous l'empire d'un sentiment incontrôlable était par trop cruel. Je vous en demande pardon. Rentré en moi-même, j'ai compris tout ce qu'il y aurait d'injuste et de révoltant à vous séparer de votre fille. Oui, madame, la loi me confère tous les droits, même celui de vous être agréable. Cependant, ma chère, Je désire qu'il vous plaise de donner à notre fille le prénom de Geneviève, qui est celui de ma tante de la Roche-Cléry. Elle ne m'a pas encore pardonné mon alliance un peu bourgeoise. Préjugée, certes, n'empêche qu'elle ferait une tendre marraine et me permettrait aussi une réconciliation familiale très heureuse. Si vous n'avez aucune objection trop sérieuse à formuler. Comte, vous êtes le maître. Je ne puis que vous remercier de grand cœur, ainsi que vous le méritez. Elle est charmante, cette mignonne. Un peu palote. Il lui faudrait une bonne nourrice. À propos, j'y pense, une pauvre mère a été prise de douleur devant notre hôtel. Je sais. Comment va-t-elle ? On ne peut mieux. Elle est sans ressources et malhéronnête. Elle ne refusera certainement pas de nourrir votre fille. Le médecin la déclare saine et bien constituée. Nous prendrons des renseignements. Voulez-vous l'engager à votre service ? Oh, non. Je vous en prie, ne me remerciez point. Votre plaisir me récompense. Entendu, je m'occupe de tout. Oh, je n'aime pas ma fille. J'ai même renoncé pour ma petite Rose-Aimée à ce gracieux nom si poétique, issu de mon âme meurtrie, comme une gentille fleur d'amour au tout parfum d'extase. Mon amour est-il donc un crime ? Suis-je maudite dans le fruit de cet amour ? Jean ! Mon Jean ! Comme Valentine Clément, Adrienne avait sa triste histoire. Dans l'entourage de son père, le louche financier Bonner, Adrienne, toute beauté, grâce et bonté, ne tarda guère à distinguer une figure qui mettait une tache de lumière dans ce monde d'escrocs, d'aigres fins et de sinistres décavés. Le jeune architecte Jean Robin. Exactement. Grand, blond, doux, élégant, l'air rêveur, il inspirait la confiance et appelait l'amitié. Jean Robin aimait, que dis-je, adorait Adrienne. Pour elle seule, il s'égarait dans les salons du financier. Leurs amours commencèrent, comme toujours, sur le rythme d'une valse langoureuse. Tout de suite, ils se devinèrent. Ils se raccrochaient l'un à l'autre, comme deux naufragés de la vie. Bonner se montrait si bonhomme, si obligeant, en parole, pour le jeune architecte, que celui-ci s'aventura à lui dévoiler ses projets d'avenir. Mon garçon, je donne 1 million de dot à ma fille, sans compter les espérances. Et vous ? Adrienne, ma chérie, mon bel amour, ma demande en mariage frisait l'indélicatesse. Je me présentais avec un bouquet de fleurs, alors qu'1 million est le seul argument que puisse comprendre votre père. Je vous conquerrai à la force du million. Il me reste une ressource, l'Amérique. S'il me faut conquérir le nouveau monde pour vous conquérir, eh bien, je conquérirai l'Amérique. Malheureusement pour nos amoureux, le père Bonner ouvrait l'œil. Il acheta Julie, la femme de chambre de sa fille, avec mission de surveiller sa maîtresse et de lui remettre préalablement son courrier. Il subtilisa froidement les lettres en provenance ou à destination de l'Amérique. Et Adrienne sombra dans la tristesse. Voyons, mignonne. Un père est un peu un confesseur pour sa fille. Surtout quand la maman n'est plus là. Il y a de notre ami Jean là-dessous. Je le parierais. Ce garçon aspirait à ta main, j'ai peut-être eu tort de réserver ma réponse. Dame, il doit d'abord se créer une situation. Oui, papa, je l'aime. J'ai été folle. C'est trop peu de dire que je l'aime. Je l'adore. Et maintenant, il faut... Oui, il faut que notre mariage ait lieu le plus vite possible. Comprends-tu, mon petit papa ? Ce n'est pas possible. Tu as fait ça. Ce que de Jean Robin. Le chantage. Il croyait ainsi m'obliger à lui donner mon unique héritière. Mais jamais. Tu m'entends? Jamais! Papa! Jamais! Plus un mot! Remonte dans ta chambre! Julie! Julie! Je t'ordonne de surveiller ma fille de très près. Jusqu'à nouvel ordre, elle ne pourra sortir en dehors de ta compagnie, ni recevoir qui que ce soit, sans que j'en sois informée. Compris, toutes les deux? Bien, monsieur. Mais je dois vous annoncer monsieur le comte de Charmeuse, qui a rendez-vous. Il tombe bien, celui-là. Vous voulez encore de l'argent? Toujours de l'argent! Je vous envoie l'huissier et les gendarmes si vous ne me payez pas. Vous avez imité la signature de votre tante de la Roche-Cléry sur la valeur que vous m'avez remise. Ce n'est pas vrai? Ah, bandits! Vous êtes tous des bandits! Je vous serai payé, monsieur Bonner, je vous jure. Devrais-je jouer ma dernière carte? Une carte biseautée. Ah, ne poussez pas l'insolence trop loin. Tant qu'il me plaira. Comment me paierez-vous à la fin des fins? Je peux me marier. Avec qui? Vous êtes brûlé dans votre monde. Ne croyez pas que les bourgeois soient à fipoire. Et les petites annonces? Genre, jeune fille avec tache, mais avec 3 millions de dots. Migre. Vous êtes gourmand. Vous accepteriez, vous? Pourquoi pas? Plutôt. Ne parlons plus de ces vilaines choses. Vous êtes un garçon intelligent. Je vous veux du bien. Rentrez tranquillement chez vous. Passez même à ma caisse, si cela peut vous obliger. Je crois que je tiens votre affaire. Le reste me regarde, seul. Le reste, monsieur de l'Excelsior, fut une simple et atroce machination où Bonner se révéla maître. Le courrier subtilisé ne lui suffisant plus, il expédia d'abord un télégramme laconique signé Adrien. Veuillez tout oublier en galant homme. Comprendrez bientôt. En effet, Jean Robin comprit bien vite en recevant le faire-part du mariage d'Adrienne avec le comte de Charmeuse. Bonner persuada facilement sa fille, privée de courrier, qu'elle était trahie, abandonnée, et que pour échapper à leur mutuel déshonneur, elle devait accepter le comte de Charmeuse comme un sauveur. Bon. Et alors, Rose Aimée, le comte s'en est débarrassé en l'envoyant en nourrice à la campagne? En fait de campagne, le comte conçut un plan monstrueux d'égoïsme. Tant pis, un être le gênait, il le supprimait. Voilà tout. C'était féodal. Avec la conviction que tout lui réussissait, Roger se rendit auprès de sa maîtresse, Valentine. Pendant des heures, Valentine avait contemplé l'adorable poupon qui allait être sacrifié, et une immense pitié débordait à présent de son cœur. Elle manifesta encore une bouffée de révolte. Pas de bêtises, ni de sensiblerie, ce n'est pas le moment. Une imprudence peut nous perdre. Pauvre mignonne. Roger, gardons-la. Je vous jure, je suis assez vaillante pour les élever toutes les deux. Pourquoi paierait-elle le prix de la faute des autres? Demain matin, en tant que nourrice, on t'amènera la fille légitime des Charmeuses. Ta fille, Valentine. Quant à celle-ci, elle est trop. Mais Roger, que vas-tu en faire? Et puis, on me demandera certainement ce qu'est devenue celle qui passe pour mienne. Que dire? Tu répondras à toutes les questions qu'une nourrice de campagne est venue la chercher, en l'absence du concierge, qui doit être en train de se griser à l'office, suivant son habitude. Je le chasserai du reste. À l'œuvre. Encore cette corvée, et ce sera la fin. Tout en parlant, il prit Rose Aimée. Mais la blancheur des langes le gêna. Il aperçut un assez fort lambeau de serge noir et il enveloppa le doux chérubin qui, éveillé, fixait sur cet homme ses yeux vagues et profonds, sans regard. et le comte eut peur de ses angéliques mirettes. La serge noire, comme un linceul honteux, recouvrit brusquement la tête de Rosémie. Dès lors, ce ne fut plus qu'un paquet, un chiffon, un rien, que Roger cacha sous son ample manteau. Non ! Non ! Roger, je vous en prie ! Et puis, très vite, pour échapper à ce qu'il appelait de nouvelles jérémiades, il sortit. Il se sauva, plutôt. Son premier dessein était d'abandonner Rosémée quelque part avec des billets de banque cachés dans ses langes. Mais il n'eut pas le courage d'assumer ses responsabilités. Pour soulager sa conscience à ses propres yeux, il préféra confier Rosémée à quelqu'un qui n'y regarderait pas de si près contre une somme d'argent. Il se souvint de Ragdale, qu'il avait rencontré chez moi lors du réveillon de Noël. Oui, pressé d'en finir, il eut la malencontreuse idée de choisir Ragdale, le marlou, le dauvert, le roi des marmites. Les marmites ? Ces dames de petite vertu, parce qu'elles font bouillir la marmite où l'on fait la soupe des maquereaux. Dansons la ronde des marmites de Paris, aux souris rouges du monde. Faisons sauter avec nous nos michets et nos marlous. Dansons la ronde, Paris est à nous. Nous consolons les cocus. Dansons la ronde. Ragdale, voulez-vous sortir une minute? J'ai quelque chose à dire. Non, à vos ordres, monsieur le comte. De tout temps, on les a vus nous apporter leurs écus. Dansons la ronde des marmites de Paris. Oh, et les souris, les rouges du monde, faisons sauter avec nous nos michets et nos marmites. Vous savez ce qui s'est passé au Mirliton l'autre soir? Inutile de tergiverser, je le lis dans vos yeux. Ah oui, oui. En effet, j'ai cru remarquer une petite femme dont la situation était réellement intéressante pour tout le monde. Mmh. Même pour vous, monsieur le comte. Et vous auriez voulu tout de suite en profiter. Oh, ne niez pas. J'ai vu poindre le chantage. C'est votre métier, n'est-ce pas? Ah, pardon, je suis journaliste. Impresario, agent de publicité, homme d'affaires. Véreuse. Savez-vous seulement lire? Je sais signer. Raquer. À l'impératif avec un Z. Vous faites surtout les poches. Et somme toute, vous êtes Ragdale. Et pour vous servir, monsieur le comte, je le répète. Eh bien, c'est fort simple. Je suis assommé par une sotte de provinciale. Elle ne compte plus ses amants. Mais celui qu'elle juge le plus riche est naturellement le père de son enfant. Et c'est vous, cher comte? Moi ou un autre? Pour un bras, une jambe, ou pour rien? Pour la peau. N'importe, c'est moi qui paierai. Pour avoir la paix. Voilà 50 000 francs. Pour vous taire, d'abord. Et pour ne plus entendre parler de rien. Nib de nib. Bien. Suivez-moi. Ce fiacre au coin de la rue m'attend. Et de contre-jet entre nous, c'est à la vie, à la mort. Oh, merci. Je ne vous en demande pas tant. Cocher. Fidèle au poste, mon bourgeois. Je redescends à pied. Voilà de louis. Conduisez, monsieur. Le collier est à l'intérieur. Un peu encombrant, mais soyez tranquille. À aucun on ne se reverrait pas. Bonne année. Nous ne nous reverrons pas. Mais je me promets de l'amener joyeuse, celle-là. Joyeuse année. En voilà un Chopin qui me tombe du ciel. Ou de l'enfer. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Le lendemain, Valentine n'osa interroger le comte. Elle se sentait infâme et lâche. Sa faute était devenue crime. Et le poids lui en devenait pesant. Le comte la présenta à Adrienne de Charmeuse avec la condescendance due à une domestique. Et Valentine se retrouva dans la place avec sa propre fille comme nourrisson. Roger, lui, vaquait à ses occupations, Suzanne d'Amour, les tripots, les coulisses de théâtre,